Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Et pour l'édition de ce soir, je l'avais annoncé sur la page Facebook et il me semble l'avoir dit aussi dans le billet de sortie du vendredi. Comme d'habitude, on va parler bien-être ce soir avec le Salon du Bien-être qui a lieu les 3 et 4 novembre à la salle polyvalente, si je ne me trompe pas, de Saint-Étienne-lès-Miremont. Et pour en savoir plus à ce sujet, j'ai avec moi en studio Hervé Sevrin et Catherine Genet. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Ah, mince, c'est vrai qu'on n'a pas réglé encore les micros. Catherine, je te propose de tirer le micro qui est en face de toi. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir régler ton micro. Oui, c'est normal, le casque n'est pas branché non plus, je vais le brancher pendant une pause musicale. Comme je le disais, hein, vous êtes là tous les deux pour l'arrivée imminente d'un salon du bien-être. Alors avant toute chose, j'aimerais que vous vous présentiez tous les deux. Hervé, dis-moi, qu'est-ce que tu peux dire sur toi aux auditeurs ? Alors moi, je suis le co-organisateur des Sources du bien-être pour cette année. Je suis aussi coach en neurosciences appliquées, intervenant sur les sources aussi pendant le week-end, conférencier et voilà ce que je peux dire sur moi. D'accord. Ce que je peux dire aussi, ben voilà, ça fait 3 ans que je suis coach en développement personnel et l'année dernière m'est venue l'idée justement de faire découvrir un petit peu toutes les thérapies du bien-être à un maximum de personnes à travers une manifestation du bien-être. Voilà, présenter une trentaine de participants avec des thérapies douces, diverses et variées. Donc ça c'est pour toi Hervé. Et Catherine, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux auditeurs s'il te plaît ? Oui, donc moi je suis issue du milieu bancaire, donc aucun rapport avec des thérapeutes. Et l'année dernière Hervé m'a demandé de participer à cette belle aventure. Donc pour moi c'était une superbe chance et de renouveler cette expérience cette année. Donc ça m'a permis, de faire de belles rencontres et de pouvoir proposer au public, je pense, une belle manifestation qui va se dérouler le week-end prochain. En effet, le week-end prochain, vu que les 3 et 4 novembre ont lieu l'événement hein, Les Sources du Bien-être. Et à ce propos, j'imagine que vous faites partie des nombreux organisateurs, parce que j'aimerais peut-être qu'on en parle des organisateurs. Alors beaucoup, oui, c'est-à-dire que ça mobilise pour nous, organisateurs, entre 60 et 70 personnes, une trentaine d'intervenants, comme je disais tout à l'heure. Nous, au niveau de l'organisation, nous sommes que deux, moi et Catherine, hein, au niveau du comité. Et puis, on a une trentaine de personnes qui viennent de l'association des scouts de Remiremont. Et le RCS avec une dizaine de personnes en tant que bénévole. Donc voilà, ça représente à peu près 70 personnes tout au long du week-end. Et oui, j'aimerais bien qu'on fasse un petit mot assez rapide sur les différentes structures qui organisent, donc comme tu l'as dit Hervé, entre autres il y a le club stéphanois je crois. Le Running Club Stéphanois, oui. Donc c'est une association de course à pied de Saint-Étienne les Remiremont. En partenariat donc cette année avec les scouts de Remiremont. Donc deux associations pour organiser cet événement. Et les scouts de Remiremont, ils font partie du Centre des Tronches ou c'est encore une autre association, Catherine ? C'est une autre association, c'est donc les scouts et guides de France, d'accord, qui sont basés sur Remiremont depuis des années. Je fais partie également du comité et c'est vrai que l'idée était de pouvoir marier ces deux associations et de pouvoir avoir, je dirais, des bénévoles pour nous aider dans cette aventure-là. Donc les scouts vont pouvoir, eux, se faire connaître et montrer ce qu'ils peuvent faire avec les enfants. Et puis nous, ça nous aide bien dans notre besoin de bénévoles. Les bénévoles, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission parce que c'est un point important. Mais s'il y a autre chose qui est important, c'est que j'ai bien compris qu'il y a une édition, une première édition l'an dernier. Enfin, si je ne me trompe pas, il y a une première édition l'année dernière, c'est ça, en 2017. C'était un format complètement différent l'année dernière. Il y avait une course jumelée justement avec un salon du bien-être. Cette année, on l'a appelé les sources. En fin de compte, l'année dernière, l'idée, c'était de marier un petit peu un événement sportif avec un événement du bien-être. Et cette année, on s'est plus focalisé sur juste le bien-être. On s'est rendu compte l'année dernière justement que 80% des visiteurs étaient venus pour le salon et 20% que pour la course. Donc c'est comme ça que vous êtes dit, pour pérenniser le rendez-vous, autant refaire quelque chose qui avait plus intéressé les gens, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Alors on ne se cache pas aussi que l'organisation d'une course est beaucoup, beaucoup plus compliquée qu'organiser un événement à l'intérieur d'une salle. Par rapport aux autorisations qu'on peut... Enfin, toutes les autorisations que nous devons avoir, justement, pour organiser une course. C'est pas évident. Et à propos fréquentation, est-ce que tu sais, Hervé, ou toi, Catherine, combien de personnes sont venues fréquenter le salon l'an dernier ? On n'avait pas pointé exactement les personnes qui rentraient, mais déjà, on était surpris. Dès que ça a commencé en début du samedi après-midi, de voir tout ce public arriver, on peut estimer entre passer 1000 personnes qui sont venues nous voir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Hervé, mais... C'est difficile à chiffrer. En disant 1000 personnes sur le week-end, on peut se tromper, ça pouvait être 2000. Voilà. Bon, cette année, on aura plus la facilité d'évaluer dans la mesure où l'entrée est payante. Et on va répertorier justement un petit peu les gens et surtout de quel endroit ils viennent. Et on viendra... je pense qu'on va déjà bientôt commencer à parler du salon, si ce n'est déjà maintenant, vu que ce salon, je le disais, il a lieu ce week-end, les 3 et 4 novembre 2018, à la salle polyvalente de Saint-Étienne-lès-Remiremont. Avant toute chose, ça a été un travail de combien de temps pour organiser ce salon ? C'est pas évident, ça fait à peu près 9 mois, Catherine, qu'on est dessus. On peut même dire quasiment depuis le début d'année. Et puis, quand on parle d'un énorme travail, c'est parce qu'on était surtout deux pendant une bonne partie de l'année à travailler sur ce nouveau projet qui est un petit peu comme l'année dernière, mais beaucoup plus, déjà plus volumineux en termes d'intervenants. Et voilà, cette année aussi, on a voulu apporter quelque chose de nouveau par rapport à la dernière, c'est-à-dire qu'il y aura pour les enfants les mini-sources du bien-être aussi. Ça, je pense qu'on en reparlera après. Un tout petit peu plus tard. Ne t'inquiète pas, et on va y venir. Mais on va parler en termes de chiffres. Combien d'intervenants seront présents au salon, Catherine ? On aura 32 intervenants sur le week-end. Certains ne seront présents que le dimanche ou que le samedi, mais en majorité, ils seront tous présents les deux jours. Et sur cette trentaine d'intervenants, est-ce qu'ils feront tous partie de la même discipline ? Ah non, pas du tout. Ils auront chacun une discipline différente. C'est ça aussi ce qu'on veut montrer, c'est tout ce que le public peut trouver en thérapie douce, en façon de bien-être, et même certaines thérapies que moi-même au départ je ne connaissais pas. Et pour donner un petit avant-goût aux auditeurs, hein, qu'est-ce qu'il y a comme thérapie, Catherine, en ce qui te concerne, que tu ne connaissais pas et que tu as découvert en organisant le salon ? Alors, on a par exemple de l'art-thérapie, donc qu'on va découvrir. Ce qui va aussi changer, on a de l'orthobionomie qui était déjà présente l'année dernière. Il y a aussi les neurosciences appliquées. Donc ça, peu de personnes ne connaissent, mais vous avez à côté de moi la personne qui va faire découvrir les neurosciences appliquées, Hervé. Aha. Et je vais pouvoir vous en parler là, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ? La kinésiologie, hein, c'est ça ? Oui, donc ça aussi, je ne connaissais pas. On a aussi... une conférence sur la communication non violente. Donc c'est vrai que pour moi au départ ça ne me parlait pas, que ça pouvait être du bien-être, et c'est vrai qu'en discutant avec Hervé, la personne qui va intervenir va bien montrer que la façon de communiquer entre parents et enfants aussi est quelque chose de très important, et qui va aussi un peu aussi allier notre mini-source avec les enfants. Après, ben, on aura des massages parents-enfants qui vont découvrir les mandalas. Alors ça, est-ce que vous savez peut-être, Lou, ce que c'est que des mandalas ? C'est pas ce qu'on faisait quand on était petit, des espèces de cercles avec plein de dessins. Voilà, dedans. C'est ça. Et ben, les mandalas sont une façon de bien-être. Et si la météo nous permet, on va pouvoir faire des mandalas géants sur le parking à l'extérieur de la salle polyvalente avec les enfants qui voudront. Ah bah dis donc c'est tout un programme qui promet d'être très intéressant, surtout les mandalas en extérieur, voilà, ça a l'air vraiment vraiment très intéressant. Oui, je pense que Catherine, tu l'as bien expliqué, la variété en fait, on ne trouve pas deux intervenants non. d'une même discipline. Si j'ai bien compris, c'est vraiment pour souligner à quel point il y a des disciplines différentes. Dans les médecines douces. Voilà. Et aussi la mise en avant et mise à l'honneur de tous ces thérapeutes pour qu'ils soient connus et qu'ils se fassent connaître. Et d'ailleurs, tous ces thérapeutes, ils viennent d'où ? Alors, du Grand Est, je dirais cette année, puisqu'on a des personnes qui viennent de Nancy, des personnes qui viennent de la Haute-Saône, des personnes qui viennent de l'Alsace et puis des Vosgiens. Donc, globalement, Grand Est. Donc ça reste d'une certaine manière locale, bien sûr. Même si bien entendu la géographie, la typographie, je pense, de notre lieu de vie ne permet pas non plus de rassembler toutes les différentes médecines douces qui sont possibles de trouver. On est quand même surpris de découvrir que pas loin de chez nous, on a quand même des thérapeutes qu'on ne connaissait pas et qui peuvent proposer, je dirais, des soins dans différents domaines. Et une dernière chose, je pense que Hervé peut peut-être répondre aussi à cette question avant la pause musicale suivante. Comment s'est fait le choix de ces thérapeutes ? Parce que c'est vrai qu'il y a, il y a déjà plein de magnétiseurs dans le secteur. Comment vous avez fait pour n'en choisir qu'un seul ? Nous n'avons pas de magnétiseurs, pour l'histoire. En fin de compte, on n'a pas eu besoin de recruter... déjà, 80% des intervenants étaient déjà là l'année dernière, donc on les connaissait. Beaucoup ont eu écho justement de ce que nous on organisait, hein, le bouche à oreille vis-à-vis des intervenants déjà, on en parle et on se fait connaître. Et puis c'est des personnes qui sont rentrées en contact avec nous. Moi, en tant que thérapeute et coach, j'étais à même de savoir si ça pouvait correspondre à l'image que l'on voulait donner. Voilà, il y a une petite sélection qui a été faite comme ça, assez facilement. On est arrivé à une trentaine d'intervenants. Voilà, on n'en voulait pas plus parce qu'au niveau logistique, ça serait trop compliqué. Puis on voulait vraiment qu'ils aient vraiment de l'espace dans la salle polyvalente de Saint-Étienne pour proposer, je dirais presque même, un véritable petit spectacle durant deux jours de thérapie du bien-être. Oui, pour cette thérapie du bien-être, on pourra découvrir plusieurs types de médecine douce, de médecine alternative les 3 et 4 novembre à la salle polyvalente de Saint-Étienne-lès-Miremont. Mais avant, on va s'écouter un petit morceau, on va faire une petite pause pour digérer tout ce qu'on a déjà entendu jusque-là avec le morceau Fade Outlines du groupe The Avener, et on se retrouve juste après. Retour sur Radio Gamozo 107 FM. Vous avez à l'instant écouté le morceau Fade Out Lines de C. Avner et Phoebe. Et ça y est, la page internet a éteint, a fermé le truc. Phoebe Kildare. Et si vous voulez réagir ou interagir avec nous, n'hésitez pas à tout instant à nous contacter via notre page Facebook Radio Gamozo ou à nous appeler si on est en direct au 03 29 62 40 40. En attendant, le lundi 29 octobre, il est 18h19. Donc je vous confirme, on est en direct. N'hésitez pas à nous appeler. On est toujours à avec Hervé Sevrin et Catherine Genet pour Les Sources du Bien-être, un salon qui a lieu les 3 et 4 novembre, donc ce week-end à la salle polyvalente de Saint-Étienne-lès-Remiremont. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, pourquoi avoir choisi Saint-Étienne-lès-Remiremont plutôt que Remiremont? C'est une question simple à répondre. On parlait de l'association, donc le Running Club Stéphanois, qui est une association de Saint-Étienne, tout simplement. Et puis, en fin de compte, moi, je suis de Saint-Étienne et Remiremont, donc voilà. Ça nous permet aussi de faire découvrir le village aux visiteurs qui vont venir. En effet, et oui, en parlant de le salon, hein, ça y est, le décompte a commencé, ça va débuter dans quelques jours. Il va y en avoir des choses, hein. C'est quand même sur deux jours, un salon centré sur le bien-être avec, comme le disait Catherine, 32 intervenants qui seront là, peut-être pas forcément tous durant les deux jours, mais globalement, il y aura quand même beaucoup, beaucoup de monde. Peut-être pour donner envie aux auditeurs de venir, qu'est-ce qu'il y a comme temps fort sur ce salon, sur ces deux jours ? Sur les deux jours, on a vraiment beaucoup de choses à proposer. On a même, nous, du mal à imaginer tout ce qui peut se passer. Alors, il y aura une quinzaine de conférences, il y aura des ateliers, il y aura des petits ateliers pour les enfants, des mini-conférences, 32 intervenants tout au long du week-end. On a l'avantage aussi et le plaisir de recevoir Miss Vosges, qui sera là présente samedi après-midi. On a les scouts qui vont proposer aussi des activités pour les enfants. Voilà, ils sont là pour faire découvrir un petit peu aussi tout ce qu'ils peuvent faire. Voilà, c'est un rendez-vous pour toute la famille tout au long du week-end. Hein. On a aussi la possibilité de se restaurer tout au long du week-end avec la buvette et puis un repas qui peut être servi aux personnes qui ont réservé le dimanche midi. On en parlera un petit peu plus en détail de la buvette, la restauration et les repas, parce que c'est quelque chose qui, selon moi, est important pendant ce genre de rendez-vous. Mais tant qu'à faire, s'il y a un salon quand même sur deux jours, hein, ça représente du travail, est-ce qu'il y a un prix d'entrée pour ce salon ? Il y a un prix unique de 2 euros et gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. À signaler aussi que tous les thérapeutes vont faire des prestations gratuites. Hein, voilà, quand on parle de 2 euros, c'est juste le prix de l'entrée et tout le reste, tout est gratuit au niveau des interventions, des praticiens et des intervenants. Donc voilà, c'est pas spécialement un salon pour engranger de l'argent, même si j'imagine que cet argent qui aura été récolté permettra d'aider une association en particulier, ou de combler des finances, ou de préparer un nouveau salon. Un petit peu de tout. Il y a toujours de la redistribution. Hein, ça sera toujours du gagnant-gagnant pour tous les intervenants, tous les bénévoles, et puis toutes les associations qui participent à l'association qui participe avec nous. Et d'ailleurs, pour ce prix d'entrée, il est de 2 euros par jour, j'imagine, Catherine ? Oui, par entrée, hein, d'accord. En sachant que la plupart du temps, les gens, quand ils viennent au salon, viennent ou le samedi ou le dimanche, ne viennent pas deux jours d'affilée. C'est vrai que même s'ils ne viennent pas forcément les deux jours d'affilée, ils aimeraient peut-être savoir quels sont les horaires d'ouverture du salon. Ça a beau être sur deux jours, c'est pas forcément les mêmes. Est-ce que Catherine, tu peux me les donner, s'il alors te plaît? Le samedi, le salon va ouvrir ses portes à 14h, va les fermer le soir à 20h. Donc, et les premières conférences vont commencer à 15h. Conférences où vous pouvez aller sur le Facebook du salon. Vous aurez tout le détail des plages de conférences, ateliers avec les thèmes et les intervenants. Et le dimanche, le salon va ouvrir à 9h, non-stop jusqu'à 18h. Donc ça c'est pour les horaires, et comme on le disait, hein, tout au long de ces deux journées, il y aura différentes conférences, hein, qui seront des conférences et des ateliers qui seront, comme vous l'avez dit, gratuits. Est-ce qu'on peut peut-être préciser un petit peu aux auditeurs quelles seront les différentes conférences ou les différents ateliers auxquels ils pourront assister? Voilà, j'ai retrouvé mes mots. Catherine. Alors écoutez, on a par exemple au niveau des conférences le samedi, une diététicienne qui va faire une conférence sur la diététique alimentaire. Nous allons voir Claire Petit-Demanche, qui est une personne qui exerce et qui habite Saint-Étienne, qui va nous faire une conférence sur les sucres et l'utilité des sucres dans notre vie quotidienne. Nous allons avoir Hervé, qui va nous expliquer, tu peux dire exactement ton thème. Un thème très particulier et, qui peut intéresser tout le monde, c'est sortir de sa zone de confort sans peur. Ça a l'air. Même Lou est surprise. Oui, je ne l'avais pas vu venir, mais c'est sûr que ça doit être vraiment très intéressant. Oui, ça va être intéressant et amusant aussi. Ah, parce qu'il y aura interaction, ce ne sera pas juste... Évidemment, chaque fois que j'anime une conférence, qui est toujours différente, à chaque fois que je fais une conférence, c'est sur un thème différent, et je la veux amusante, parce que je vais faire interagir un petit peu les gens aussi. On a hâte de voir ça. Et mis à part ça, alors j'ai vu qu'il y a une conférence de 17h à 18h le samedi, Access Bar avec Charlotte Scheyer. Oui. Alors ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est le Access Bar? C'est une technique de massage par rapport au crâne, hein, c'est-à-dire qui vous permet de vous relaxer de façon immédiate. Et j'ai un souvenir de l'année dernière, c'est M. Christophe Nejgen, notre député, qui a profité et franchement qui a fait un lâcher prise pendant les 15 minutes de massage et qui revient nous voir cette année. Ah oui, donc en effet, ça n'a pas de prix. Ce sera aussi l'occasion, comme vous le dites, de rencontrer le député qui se déplace quand même sur beaucoup d'événements, qui est très accessible, je me permets quand même de le rappeler. Ouais. Et donc on a parlé de quelques ateliers ou quelques conférences du samedi. Au niveau des ateliers, Catherine, ça donne quoi? Alors, au niveau atelier, il y a un atelier qui aura lieu le samedi et dimanche, qui l'année dernière avait fait fureur, c'est le yoga du rire. Donc le yoga du rire, c'est aussi une technique où... on ne sait pas ce qui se passe derrière les paravents, mais alors vous entendez aux éclats les personnes qui sont présentes, et je pense que c'est une libération, je dirais, à travers le rire. Et pendant cette trois quarts d'heure de rire, toute la salle en profite. Mais d'ailleurs, les conférences, elles se trouvent dans un espace plutôt clos ou dans un espace ouvert? Alors, il y a différents endroits, c'est-à-dire que la plupart des conférences auront lieu dans l'espace restauration quand il n'y aura pas la restauration, donc un espace à part de la salle. Sur l'estrade, mais là, elles seront isolées par rapport à des paravents. Et il y aura une partie atelier dans la salle où différents thérapeutes pourront, l'espace de 15 minutes, montrer au public leurs différentes façons de pratiquer. Comme par exemple, on a un monsieur qui va apprendre à porter des charges. C'est aussi du bien-être, savoir porter. C'est aussi ne pas se faire mal au dos. Donc, pendant 15 minutes, il sera là pour faire une petite démonstration. Donc ça, c'est ce qui concerne samedi. Est-ce qu'on peut... Samedi, dimanche, parce qu'il y aura des fois des interventions qui seront... Pas les conférences, mais au niveau des ateliers, qui seront répétitifs une fois le samedi, une fois le dimanche. Au niveau du dimanche, on va avoir... Christelle Balthazar qui va nous parler de la chrysothérapie, entre autres. Vanessa Bargenet qui va nous parler de la communication non violente, on en avait parlé tout à l'heure. Il y aura Patricia Lecomte qui va parler de la réflexologie, ça aussi. Béatrice Maire qui va faire aussi un atelier sur l'orthobionomie. Et tout ce qu'il y a, il y a toute la partie après des mini-sources qu'on va parler tout à l'heure, si vous voulez bien. Ça, on va en parler juste après la pause musicale. Et à ce propos, on va s'écouter la suivante. Quoi de mieux dans le bien-être d'apprendre à s'aimer? Et on va apprendre à s'aimer avec Scorpion pour le morceau Still Loving You, qu'on s'écoute tout de suite. Et on se retrouve juste après. Can bring me your love someday. I will. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM. Vous avez à l'instant écouté le morceau Still Loving You de Scorpion. Et si vous voulez toujours réagir ou interagir avec nous, n'hésitez pas à tout instant à passer via notre page Facebook Radio Gémozo ou sur notre site. Ou par téléphone 03 29 62 40 40. Voilà, j'ai repris le fil. On est toujours avec Hervé Sevrin et Catherine Genet pour le salon Source du bien-être qui a lieu les 3 et 4 novembre, donc ce week-end, à la salle polyvalente de Saint-Étienne-lès-Miremont. Et comme on l'avait dit avant la pause musicale, il y a une chose sur laquelle ce serait important de revenir, ce serait l'espace dédié aux enfants. Donc Hervé ou Catherine, lequel des deux se sent d'aborder le sujet? Les deux. Alors, on va laisser la parole à Catherine. Merci. Alors, les mini-sources, ça a été une idée de regarder un petit peu ce qui se passait alentour de nous et de s'apercevoir que les enfants, nos enfants, avaient autant besoin de bien-être et d'être entourés que leurs parents. Et c'est pour ça qu'on s'est aperçu que beaucoup de thérapeutes avaient aussi une orientation enfant. Alors on a essayé d'en réunir, donc à l'intérieur physiquement, à l'intérieur de la salle, il y aura les mini-sources qui seront vraiment dédiées aux enfants, avec un coin coucouni, hein, on va avoir un petit coin super sympa, où les thérapeutes vont pouvoir aussi faire des petites ateliers dans ce petit coin coucounine. Il y aura aussi des tables, des chaises où il pourra y avoir des paroles entre parents et thérapeutes. Alors, quel thérapeute on a? On va avoir Antoine, qui est sophrologue, qui est aussi énormément tourné vers les enfants. Donc, la sophrologie s'adresse aussi aux enfants. On va avoir Eliane, qui, elle, comment tu pourrais dire, Hervé, par rapport à, cette, à sa... sur des disciplines et tourner enfant par rapport à... Elle va faire plusieurs choses, en fin de compte, Eliane va faire plusieurs activités avec les enfants, que ce soit de l'EFT, que ce soit du NERTI, du nettoyage émotionnel. Voilà, Eliane, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'arc, qui a beaucoup de arc à son arc, de cordes à son arc, pardon. Donc, que ce soit Antoine, que ce soit Eliane et les autres, ils vont se risquer. Ils font déjà des interventions avec les enfants, des fois dans des écoles. Et puis là, faire découvrir, toujours pareil, faire le mot du week-end, c'est faire découvrir aussi aux enfants toutes ces petites thérapies sympathiques. Donc, en fait, c'est un petit peu un mini-salon dans le salon. Voilà. Et on est allé visiter plusieurs salons, moi et Catherine, durant, ça fait un peu plus d'un an qu'on essaie d'aller à droite, à gauche. Effectivement, on a vu ça nulle part, j'ai jamais entendu parler pas spécialement de salon, mais des activités du bien-être pour les enfants. Donc on est là aussi, on essaie de lancer des petites choses nouvelles. Après, des espaces dédiés aux enfants, ça, je pense que c'est pas nouveau. Du moins, je pense à l'Épinal Tattoo Show du mois de juin, je crois, les 23 et 24, qui avait un stand de dessin pour les enfants. Mais vous proposez, en fait, beaucoup plus que ça. Oui. Des thérapies. Des thérapies, en effet. Et c'est une nouveauté pour l'édition de cette année, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui vous êtes fait dire que c'était important aussi de faire un salon pour les enfants aussi, vraiment que pour eux? C'est toujours plus facile d'apporter des petits outils comme ça, que ce soit au niveau de la relaxation, que ce soit les enfants. Plus on prend tôt, effectivement, même s'il y a des problématiques, plus c'est pris tôt, plus c'est facile à traiter ou à comprendre et tout. Voilà. Bon, le but, c'est d'impacter les enfants et surtout aussi les parents vis-à-vis de leurs enfants. Voilà, nous, on est plusieurs thérapeutes. Des fois, les parents peuvent nous amener leurs enfants parce que les problèmes ont des enfants. Malheureusement, le problème vient souvent des parents qui retransmettent aux enfants leurs propres peurs. Et en fait, ça peut aider, ça peut permettre aux adultes, donc aux parents, de briser des blocages aussi et de pouvoir accepter de se soigner aussi. Tout à fait. Bon, on n'est pas là pour soigner les gens, évidemment. On parle plutôt d'accompagnement, hein, ou de prise de conscience. On intervient sur les parents-enfants. Hein, quand on parle des mini-sources, c'est pour travailler sur accompagner les parents-enfants, qui est une compréhension des parents et des enfants. et que tout le monde puisse avancer un petit peu dans la vie. D'ailleurs, j'ai envie, tous les deux, ça me vient d'un coup, de vous poser une question un petit peu plus personnelle. Vous, en quoi le bien-être vous avez fait du bien, vous avez peut-être permis d'avancer? Je ne sais pas, Hervé, est-ce que tu te sentirais de répondre? Oui, bien sûr. Ça va faire 3 ans justement que je suis... J'ai suivi énormément de formations en 3 ans dans le développement personnel. Pas oublier que le développement personnel, on parle de bien-être, tout ce qui est lié au bien-être, c'est surtout du développement personnel. Ça veut tout dire, développement personnel. Et aussi, ça permet de se soigner, de se comprendre, de comprendre beaucoup de choses. On ne peut pas accompagner ou aider des gens à la mesure où on n'est pas OK avec soi-même. Donc voilà, ça fait 3 ans que je me suis remis en question. Et puis ça fait à peu près 2 ans maintenant que j'accompagne des gens, j'aide des gens. Et d'ailleurs, la première personne que j'ai accompagnée, c'est Catherine, qui est à côté de moi. Ah, et Catherine, dans ce cas, toi, comment ça t'est venu? Quel a été ton chemin vis-à-vis du bien-être outrepasser le fait que tu as rencontré Hervé sur ta route? Eh ben moi, le bien-être, Hervé me l'a fait un peu découvrir, et dans l'aide qu'il a pu m'apporter dans l'accompagnement. Donc simplement, j'ai vu ce que ça pouvait représenter pour tout le monde, et c'est pour ça que j'étais partante de vouloir l'aider dans l'aventure qu'il voulait faire sur le salon. Donc oui, tu l'accompagnes depuis le début. Et oui, c'est comme ça que ton parcours a fait que, votre parcours ensuite a fait que, j'imagine qu'il y a d'autres personnes après qui se sont greffées sur le projet, mais on en a déjà parlé, il y a entre autres les scouts de Remiremont et le club de course stéphanois, si je ne me trompe pas. Le RCS. RCS. Et d'ailleurs, avant qu'on parle des différents partenaires de cet événement, parce que je pense que c'est important de les mettre en avant. Je pense que c'est le moment de parler nourriture, d'ailleurs, oui, dans 20 minutes, il est 7 heures. Vous avez parlé un petit peu plus tôt de buvette, restauration et aussi repas pour le dimanche midi. Alors, avant de parler du dimanche midi, qu'est-ce qu'il y aura? Est-ce que vous pouvez donner une petite idée aux auditeurs de ce qu'ils pourraient peut-être manger sur le salon? Donc l'ouverture du salon a lieu le samedi après-midi, donc effectivement il y aura une buvette qui est là toute l'après-midi, le samedi après-midi et le dimanche, toute la journée, avec je pense que c'est des gaufres ou des crêpes qui sont proposées. Oui, des tartes, des sandwichs qui pourront être pris. Des sandwichs, rien de chaud le samedi après-midi. Et le dimanche, donc sur réservation, donc à la cantine, donc il y aura des plats qui seront servis et la buvette qui est disponible aussi toute la journée. La réservation, c'est jusqu'à quand qu'il faut la faire au plus tard? Normalement, ça devait être jusqu'à aujourd'hui. Et on a réussi à s'arranger pour effectivement proposer des réservations quasiment jusqu'au samedi. Jusqu'au dernier jour. Enfin, jusqu'à même le samedi, pour ceux qui veulent réserver plus le lendemain, ça sera probablement possible. Et d'ailleurs, le repas coûterait environ combien? C'est 12 euros. Voilà, on essaye de proposer un plat de saison avec un dessert. Et en parlant du repas, en fait, ça c'est aussi une question que je pose régulièrement. Est-ce que le repas qui sera proposé, ou même les sandwichs, peuvent correspondre à différents types de régimes alimentaires? Donc, par exemple, pour les végétariens ou les musulmans, etc. Pas du tout. C'est pas possible. Voilà, au jour d'aujourd'hui, on a probablement entre 150 et 200 repas à servir. On peut pas se permettre On a fait un plat unique, tout simplement, déjà parce que c'est pas nous qui le préparons, donc ça sera le Petit Stéphanois, le restaurant de Saint-Étienne, qui est partenaire aussi avec nous. On ne pouvait pas se permettre de faire plusieurs repas à ce tarif-là. Les sandwichs, par contre, pourront être végétariens, c'est-à-dire que les gens choisiront ce qu'ils voudront mettre dans le sandwich. Donc il y aura quand même une possibilité de choix, et c'est aussi pour les auditeurs qui auraient peur de se retrouver le bec dans l'eau, c'est toujours important de savoir où on met les pieds. Et vous avez parlé de partenaires et de petits Stéphanois, donc ça va être le sujet qu'on abordera en dernière partie de l'émission. Mais avant, on va s'écouter la dernière pause musicale que vous avez proposée et choisie, c'est Coco Caline de Julien Doré, qu'on s'écoute tout de suite et on se retrouve juste après. Sur Radio Gamozo 107 FM, toujours dans l'émission L'heure des loups. Et si vous voulez, comme d'habitude, réagir avec nous, n'hésitez pas à tout instant au 03 29 62 40 40 par téléphone, comme je le disais, ou sinon via notre page Facebook Radio Gamozo. Voilà, et on est toujours avec Hervé Sevrin et Catherine Genet pour le Salon Les Sources du Bien-être qui a lieu les samedis et dimanches 3 et 4 novembre à la salle polyvalente de Saint-Étienne-lès-Miremont. Juste avant la pause musicale, hein, on a dit que pour le repas de dimanche, c'est fait avec un partenaire, hein, le petit Stéphanois. Donc je pense que ce serait peut-être important de faire un petit point sur les partenaires et bien entendu les bénévoles. Alors avant toute chose, quels sont les partenaires qui ont une participation quand même active dans le salon et qu'il faudrait peut-être souligner en ce moment même? Alors, je ne savais pas qu'on pouvait en parler justement, des partenaires. Effectivement, nous avons plusieurs partenaires, que ce soit des soutiens matériels ou des soutiens financiers. La ville de Saint-Étienne, hein, déjà, effectivement, hein, on peut déjà quand même les remercier monsieur le maire et son équipe pour ce qu'ils font pour nous, que ce soit au niveau de l'allocation de la salle, l'allocation du matériel, ça, c'est super important. Et puis, on a plusieurs partenaires qui apparaissent sur notre affiche, hein, que je ne vais peut-être pas tous les citer, ils sont assez nombreux. Sans qui, c'est pareil. Hein, si on ne les avait pas, ça serait compliqué d'organiser un événement sans aucun moyen financier. Oui, parce que vous êtes vraiment là pour transmettre des informations, mais pas pour engranger de gros moyens, comme on le disait. Tout à fait. Et s'il y a aussi quelque chose qui est important de mettre en avant, alors c'est pas forcément les moyens financiers, mais les moyens humains par le biais des bénévoles. On l'a déjà vu à travers différents festivals, différents événements. Les bénévoles sont toujours au rendez-vous. Et il en est quoi pour le Salon des Sources du Bien-être ? Effectivement, sans bénévoles, on ne peut rien organiser. Hein. C'est important d'avoir... Alors, c'est toujours difficile d'évaluer le nombre de personnes pour un événement comme le nôtre, hein, sur 2 jours. Voilà, l'année dernière, on avait à peu près 80 bénévoles pour organiser 2 événements différents. Cette année, pour soi-disant quelque chose de plus simple, il nous faut toujours autant de bénévoles. Voilà. Donc ça représente, comme je le disais tout à l'heure, quand je parle de bénévoles, je parle aussi des intervenants, hein, des praticiens ou intervenants. Ça représente entre 70 et 80 personnes mobilisées tout au long du week-end. Ah donc, qui seront là, qui se relaieront pour faire en sorte que ce salon se déroule bien. Salon avec quand même une trentaine d'intervenants autour du bien-être. Là où il y aura, je le rappelle, hein, vu que ça va être déjà le moment de faire le petit résumé, hein, différentes conférences, différents ateliers gratuits, il faut le rappeler. Comme je le disais, autour du bien-être et tous ces intervenants, voilà, j'ai perdu le fil parce que quelqu'un est entré dans le studio. Tous ces intervenants ont chacun leur discipline, hein, il n'y en aura pas deux dans la même discipline. Donc, qu'est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs, Catherine ? On va peut-être commencer par les horaires d'ouverture du salon. Donc le samedi, le salon ouvre à 14h, va fermer ses portes à 20h, donc c'est vraiment une grande amplitude horaire. Le dimanche, il ouvre à 9h pour fermer à 18h. Donc on vous attend tous en famille, parce que c'est bien un rendez-vous pour la famille, où tout le monde trouvera son compte. Un rendez-vous pour la famille, comme tu le disais, avec un tarif d'entrée pour les personnes de plus de 10 ans de 2 euros, ce qui est quand même extrêmement bas. Oui, on peut rappeler, je pense, à nouveau, buvette, restauration sur place et repas à disposition, enfin un repas à réserver pour le dimanche. D'ailleurs, pour ceux qui veulent réserver le repas le dimanche, ça se passe par quel numéro de téléphone ? Tous ces numéros de téléphone sont marqués sur les flyers, sinon c'est sur le 06 01 07 15 53 ou le 06 15 63 96 54. Et dis-moi Catherine, encore une fois, pour ceux qui auraient encore envie d'avoir certaines informations que j'ai peut-être omis de transmettre, et le temps va d'ailleurs malheureusement me manquer, est-ce qu'il y a un site internet, une page Facebook ou un événement ? Il y a une page Facebook, Salon du Bien-être Stéphanois, où là vous aurez tous les renseignements. Donc qui sera d'ailleurs indiqué en podcast avec qui sera indiqué avec le podcast de l'émission, que je dise les choses dans le bon ordre. Et on rappelle aussi d'ailleurs que parmi les invités de marque qui seront là, hein, vous avez parlé de Christophe Nejlen, le député, et aussi Miss Vosges 2018 qui sera là samedi après-midi. Donc voilà, il y en a des choses à faire, il y en a des choses à voir pour tout le monde, pour les petits et pour les plus grands. Je pense pour les quelques minutes qui nous restent, je ne sais pas si Hervé ou Catherine se sentiraient de faire un listing des différentes disciplines qu'on pourra retrouver dans le salon. Peut-être que ça pourra donner envie aux auditeurs aussi de faire un petit tour. Hervé ? Eh ben, ça tombe bien. Pour une fois, je vais avoir le temps de lister un petit peu tout le monde. Hein. Donc, je peux donner les noms et les activités ? Mais oui, je t'en prie. Tout à fait. Je vais essayer d'aller assez vite. Hein. Voilà, je vais vous parler de l'acupuncteur David Dessert qui sera présent, de Virginie Maison qui fait de la réflexologie, Karine Schaeffer qui fera du Reiki, Christelle Balthazar, chrysothérapie, association Terrae pour le yoga du rire, moi-même pour les neurosciences appliquées, Lauriane Liseau qui fera du Shiatsu, Z-Violine pour énergéticienne, Antil Ayurveda, Hervé Schmitt pour la géobiophysique, Béatrice Mère pour l'orthobionomie, Charlotte Cheyer pour l'Access Bar, Claire-André Petit-Demange pour naturopathie, Catherine Gien pour la kinésiologie, Nathalie Géchoux pour la trichothérapie, Patricia Lecomte pour la réflexologie, Ludivine Vettier pour l'hypnose, Eliane Couval pour le EFT, le NERTI, Sylvie Alvero pour la luminothérapie, Clélia De Angelo pour la diète, qui est diététicienne, Vincent Courroie qui est coach sportif, Antoine Poquelin qui sera sophrologue, Vanessa Barjonnet pour la communication non violente, Emmanuel Courtois pour l'accompagnement bien-être, Martine Kopf pour la phytothérapie, Émilie Onimus pour la libération des émotions et allergies, Marina Petit-Demange pour l'accompagnement bien-être, Odile Claudel, massage parent-bébé, Edwige Antoine pour les mandalas, Delphine Audino pour l'art-thérapie, Muriel Perrin pour la réflexologie, et la petite dernière qui est arrivée pour les mouvements de la vie, qui est... comment elle s'appelle, tu m'as écrit, Catherine, Jocelyne, voilà. Donc voilà, ça en fait beaucoup de monde en effet, hein, comme tu le disais, 32 intervenants pour ce salon sur deux jours, donc le samedi après-midi et dimanche toute la journée. Et encore une fois, je le rappelle une dernière fois, hein, pour un billet d'entrée de 2 euros pour les personnes de plus de 10 ans, et aussi pour les enfants, un mini salon, un mini source. Donc voilà, il y a vraiment de tout. Je pense que les auditeurs ont largement eu de quoi se faire une idée de ce à quoi le salon va ressembler. Donc la seule, j'imagine, et dernière chose à faire, c'est de leur dire simplement de se rendre sur ce salon, n'est-ce pas, Catherine et Hervé? Merci, Lou. Et en effet, tu l'as bien compris, Catherine, l'émission touche déjà à sa fin. Donc avant qu'on se dise au revoir pour de bon, c'est déjà le moment de faire la programmation de la soirée. Donc on retrouvera dès 20h François pour son émission Le calendrier des esclavages et des libérations. Puis de minuit à 1h, rediffusion de la bulle de l'IA de ce midi qui a parlé, si je ne me trompe pas, des foulées des barbus qui a lieu ce week-end aussi à Épinal. Sinon, on se retrouvera demain matin 7h, 8h pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Et pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin, elle sera en podcast sur notre site internet radioguemozo.eu, émission et rediffusion, rubrique L'heure des loups, ou sinon sur notre page Facebook Radio Guemozo, et bien entendu les pages indiquées un petit peu plus tôt dans l'émission, donc la page de l'événement Source du bien-être sera indiquée avec le podcast sur notre page Facebook. Sinon, on se retrouve, comme je disais, hein, demain matin, mardi, à 8h, ce sera les minutes bonheur de l'IA. Et on se retrouvera sinon demain soir, 18h, 19h, je vais y arriver, pour parler avec le mouvement de la paix, comme d'habitude. Donc on va faire un petit point et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à se raconter à ce sujet. Hervé et Catherine, merci beaucoup pour votre temps, pour votre présence. C'était très précieux, j'étais très contente d'avoir pu récolter toutes ces informations auprès de vous. Merci à toi. Merci Lou. À samedi. Oui, à samedi en effet. Et merci aux auditeurs d'avoir écouté aussi l'émission jusqu'au bout. N'hésitez pas à faire les retours, ça fait toujours plaisir et je les prends en compte. Mais comme l'a dit Catherine, rendez-vous samedi à la salle polyvalente de Saint-Étienne-Hermirmont. Bonne soirée à tous.